Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Zakatul Fitr, l'aumône de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Un cours donné par le frère Sofiane al-Jazairi, hafidhahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث عن زكاة الفطر نذكر أحكامها وأخيرا نذكر الأخطاء التي تقع في زكاة الفطر وتكون الدراسة إن شاء الله سبحانه وتعالى حول حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نستنبط ونستخرج منه مسائل وأحكام. Donc inshallah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui on va parler de zakat al-fitr. Et on va lire un hadith, et de ce hadith on va l'expliquer, et on va نخرج منه الأحكام. وزكاه الفطر, c'est la zakat qui est faite après Ramadan, après le mois de Ramadan. Après que la personne ait fait siyam Ramadan, directement il y a une zakat qui s'appelle zakat al-fitr. Et cette zakat al-fitr, elle a plusieurs noms. Tu peux l'appeler zakat al-fitr, كذلك tu peux l'appeler sadaqat al-fitr, كذلك tu peux l'appeler aussi sadaqat al-ramadan. Tous ces noms, ils sont venus fi sunna. Yajuz hadha wa hadha. Nabi sallam, quand il était à Mecca, zakat al-fitr, elle n'était pas obligatoire. كذلك ramadan, c'était pas obligatoire. Après que le prophète sallam, il est parti, il a fait le hijra, il est à Medina. Deux ans après, zakat al-fitr, elle a été ordonnée. C'est-à-dire que pendant 13 ans, le prophète sallam à Mecca, il n'y avait pas zakat al-fitr, et il n'y avait pas saum ramadan. Il n'y avait pas le ramadan. Naam. Wa qabla an nabda fil hadith, ahbabtu an nadhkur ma hiya al-hikma min zakat al-fitr. C'est quoi la sagesse de zakat al-fitr? Il y a un hadith qui est venu en Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu où il nous cite la hikma de zakat al-fitr. فنقرأ إن شاء الله الحديث. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وسنده حسن كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله. Donc ici Ibn Abbas il nous dit le Prophète sallam farad à Rasulullah sallam zakat al-fitr, que zakat al-fitr c'est obligatoire. Le Prophète sallam il l'a rendu obligatoire. Et puis après dans le hadith il nous dit c'est quoi la hikma, la sagesse de cette zakat. Il nous cite deux hikmas. Awalan zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath. Donc la première hikma, c'est que hadith zakat, ça purifie celui qui a fait siyam, le jeûneur, de deux choses. Al-laghwi wal-rafath. C'est quoi l'agou et c'est quoi le rafath? L'agou, il y a pour l'ahle l'ura, qu'un rarib, l'asfahani, que l'agou, c'est al-kalam, yani al-kalam al-qabih, les mauvaises paroles. Et une scène, des fois pendant le ramadan, ça lui arrive, il dit des mauvaises paroles. Enfin, si la personne a dit des mauvaises paroles, ça s'appelle l'agou. Qala Allah Ta'ala, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه C'est quoi l'arbre? C'est les mauvaises paroles. Wa l'insan ne doit pas dire des mauvaises paroles. Lian Allah amarana an natakallam bi kalam sadid. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de dire aux gens de parler avec les gens d'une bonne parole. Wa qulu lin nasi husna. Parler avec les gens d'une bonne manière. Fa l'insan si fait hadha al-lagw qui est le kalam al-qabih. Az-zakat, c'est une forme, zakat al-fitr, c'est une forme de purification. C'est-à-dire qu'en donnant cette zakat, ça va le purifier de ses péchés, de ses erreurs qu'il a fait pendant le mois de Ramadan. Hadihi, c'est ça, ma'na al-lagw. Wal-rafat, c'est quoi al-rafat? Al-rafat, c'est le kalam qui est pire que l'lagw. Parce que l'lagw, on a dit quoi? C'est le kalam al-qabih, c'est-à-dire des mauvaises paroles. Amma al-rafat, c'est quoi? C'est le kalam al-fuhsh, kalam al-fuhsh. Yani les paroles vulgaires. Tu vois, c'est encore pire que kalam al-qabih. Vulgaire. Et le musulman ne doit pas parler d'une façon vulgaire. Le musulman, ça doit être un exemple pour tout le monde. Enfin, si ça lui arrive, mathalan, ça lui est arrivé pendant Ramadan, hadihi zakat al-fitr, c'est une forme de purification. Pour al-lagw wa al-rafath. Et certains ulama disent que al-rafath, c'est al-jima'. Wa ma'na hada wa hada, la basse. L'essentiel, ce que tu retiens, c'est que la première hikma, c'est que zakat al-fitr, ça purifie de l'arv ou al-rafath. On a expliqué ça veut dire quoi l'arv, on a dit que c'est le kalam al-qabih, et on a expliqué c'est quoi al-rafath, on a dit que c'est les paroles vulgaires. Et certains ulama, ils ont dit, ma'na al-rafath, c'est le jima'. Ou la deuxième hikma de zakat al-fitr, c'est que c'est tu'matan lil-masakin. C'est une nourriture que tu donnes pour les pauvres. Tu'matan lil-masakin. Ou le musulman, il ne faut pas qu'il oublie que si Allah lui a donné des choses, il faut que cette chose, ce mal qu'Allah lui a donné, cette ni'ma qu'Allah lui a donné, il faut qu'il sache que cet argent en a un droit. Al-fuqara, ils ont un droit sur ton argent. Et ce droit, c'est Allah qui leur a donné. Donc, le musulman, il doit faire attention à cet argent et à cette ni'ma. Et qu'il sache que si cette ni'ma, il la met pas dans l'obéissance d'Allah, cette ni'ma risque de partir. فهذه الله سبحانه وتعالى il a ordonné zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, c'est un droit que les pauvres ont sur les riches. فالإنسان إذن هذه الصدقة parce que c'est obligatoire. Et كذلك على deux حكمة. Je répète les حكمة. Première حكمة c'est طهرة للصائم من اللغو والرفث. Deuxième حكمة طعمة للمساكين. طيب هذه هي الحكمة دو مشروعية زكاة الفطر والآن إن شاء الله نقرأ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونشرح بما يسر الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Donc dans ce hadith qui est متفق عليه, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari et le Muslim, le hadith qu'on vient de citer, c'est le lafz de l'imam al-Bukhari. Non, parce que l'imam muslim le rapporte avec un autre lafz. Donc Ali ibn Umar رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. Donc ibn Umar رضي الله تعالى عنه et il nous rapporte que le prophète sallam il a ordonné, il a obligé zakat al-fitr. Farada rasulullah sallam zakat al-fitr. Wal fard wal wajib ce sont des mutaradifat. Al fard wal wajib mutaradifat. Ce sont des synonymes. Al fard wal wajib c'est pareil. C'est comme si tu dis al asad wal layth. Ça veut dire quoi al asad wal layth? C'est le lion. Le lion il y a plusieurs noms. Ce sont des synonymes. Naam. Fa rama al fard wal wajib c'est la même chose. Ce sont des synonymes. وهذا قول جمهور العلماء. certains فقهاء عند في مذهب أبي حنيفة qui suivent le مذهب d'Abu Hanifa, ils disent que non. Il y a une différence entre le fard et le wajib. Pour eux, le fard c'est plus fort que le wajib. Pour eux, le fard c'est كل ما ثبت بدليل قطعي. C'est-à-dire دليل قطعي pour eux c'est les trois choses. إما الإجماع, إما آية قرآنية أو حديث متواتر. Et le wajib pour eux c'est plus bas que le fard. C'est-à-dire que le wajib, c'est une chose qui est venue avec un dalil dhanni. Ça, c'est pas sahih. Ça, c'est sahih. Sahih, c'est que le fard ou le wajib, c'est pareil. Si tu vois farad, c'est comme si c'était wajib. Bien plutôt, ça veut dire wajib. نعم. فالفرض quand tu vois un hadith où Nabi sallam dit fard ou c'est wajib, ou tu vois un kalam d'un alim dit هذه المسألة ou هذا الفعل واجب, ça veut dire que celui qui fait cette chose, il sera, s'il il fait cette chose pour avoir la récompense d'Allah, il sera récompensé. Et s'il délaisse cette chose sans excuse valable, il méritera la punition d'Allah. هذا هو معنى الواجب. Si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu le fais avec la niya, bien sûr, avec l'intention d'avoir la récompense d'Allah, tu seras récompensé. Et si tu ne fais pas cette chose sans excuse valable, tu mériteras la punition d'Allah. Et on dit tu mériteras, on ne dit pas tu vas être puni. Parce que ça se peut qu'Allah il pardonne, mais ça se peut qu'Allah ne pardonne pas. فالإنسان, quand il voit qu'une chose c'est wajib, يعني يلتزم بها. Il ne cherche pas à dire non, mais pourquoi ? لا, تلتزم بها. لأن نحن مسلمون. والمسلم, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le soumis. Donc, si tu es vraiment musulman, tu te soumets à Allah. Tu te soumets à Allah et t'obéis à Allah et t'obéis à son prophète, Muhammad ibn Abdullah. Et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'obéissance d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ. Et Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et à son prophète, il a certes réussi. Réussi d'une grande réussite. Donc, si tu veux réussir dans cette dunya, t'obéis à Rasulallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous ordonne une chose, il ne faut pas croire que ça vient de lui. Là, bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas avec ses passions. Comme Allah dit sur lui. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ الْآيَةِ. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si nous ordonne une chose, ou bien si il nous conseille une chose, sache que cette chose, il n'y a que du bien derrière ça. Naam. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de sortir zakat al-fitr. Naam. Et هذه, c'est un dalil, c'est un hadith qui prouve que c'est obligatoire. Lakin, est-ce que dans le Coran, c'est cité que comme quoi zakat al-fitr, c'est obligatoire? نعم سيفنو في قوله تعالى قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى في سورة الأعلى سيفنو التفسير عن سعيد بن المسيب كذلك عن عمر بن عبد العزيز كل مقصود بهذه الآية في زكاة الفطر دونك الله يجي قد افلح من تزكى سيجيك سلوي كدن زكاة زكاة الفطر إلى غيسي فهذه في آية عظيمة كي بخوف زكاة الفطر سي obligatoire. Et le tafsir, et Sa'id ibn Sayyib, ou Kadalik Amal ibn Aziz, qui sont partis parmi les tabi'in, ils nous expliquent et nous disent c'est al-murad bi-hadihi l'aya, zakat al-fitr. Kadalik a beaucoup d'ulama, ils ont dit al-murad biha, zakat al-fitr. Kamaja'an Nuhajar, Hafid Nuhajar fi Fath al-Bari, wa ghayruhu min ahli l'ilm wa al-tahqiq. Tayyib. Donc, là on a cité un dalil du Coran et un dalil de la Sunnah. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr. Et dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, un Ibn Abbas, qui est rapporté par Ibn Majah, on avait cité sur la hikmah, la sagesse de Zakat al-Fitr, qu'est-ce qu'il a dit au début? Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a deux hadiths, hadith Ibn Umar et hadith Ibn Abbas, qui nous prouvent que Zakat al-Fitr, c'est obligatoire. Et on a aussi un verset du Coran qui prouve que Zakat al-Fitr, c'est obligatoire. Et هذا هو الصحيح, c'est que c'est obligatoire. Certains ulama ils ont ramené l'ijma, comme Ibn Mundir, wa kadhalika al-Bayhaqi. Qala Ibn Mundir, alayhi rahmatullah, ajma'a awam ahli al-'ilm 'ala anna sadaqat al-fitr fard. Wa qala al-Bayhaqi, ajma'a al-'ulama 'ala wujub sadaqat al-fitr. Wa kadhalika qala Sheikh al-Fawzan, fa zakat al-fitr wajibah bi ijma' al-'ulama. Wa kadhalika naqala al-ijma' الشيخ البسام كم كوا سي واجب بالإجماع ولكن الصحيح سي كو سختان علماء خالفوا يا با الإجماع إنما سي قول الجمهور سختان علماء كم ابن قدامة يسيد دان ماذا دان المغني كم كوا سختان علماء parmi les علماء de المالكية ils ont dit que c'était pas واجب ils ont dit que c'était une ماذا سنة مؤكدة سي سنة مؤكدة on va lire كلام ابن قدامة قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة متأكدة سنة متأكدة أو سنة مؤكدة نعم donc ici ابن قدامة il nous dit que ابن عبد البر qui fait partie des علماء de المالكية qui a fait le grand شرح de المعطى qui est connu qui s'appelle التمهيد il dit que certains علماء de المالكية et داود وداود الظاهري مذهب الظاهرية يدسك سي با واجب يدسك سي سنة مؤكدة ولكن نحن هنا حديث كلاغ والبروفات وابن عمر رضي الله تعالى عنه إنه ديك البروفات صلى الله عليه وسلم فرضه Et on a un hadith clair aussi d'Ibn Abbas qui nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam farada, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire. Fa-nahnu, on prend le hadith, et wa huwa qawl al-jumhur, et on délaisse ces aqwal qui ont khalafu le hadith. Na'am, mais on a l'aya aussi, qad aflaha man tazakka, et c'est venu un tabi'in, comme quoi, c'est zakat al-fitr. Donc ce que tu retiens, c'est que zakat al-fitr, c'est obligatoire. Et est-ce que c'est ijma' ou bien c'est pas ijma'? C'est pas ijma'. Certains ulama, ils ont khalafu. Lakin, c'est le jumhur. Et c'est pas obligatoire dans toutes les masalas qu'il y a ijma'. Là. Fa-ma'da. فنحن نقرأ الحديث إن شاء الله نعم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر donc dans cette première phrase النبي صلى الله عليه وسلم il nous dit que زكاة الفطر elle est obligatoire après le النبي صلى الله عليه وسلم il nous explique ou bien plutôt Omar il nous explique que le prophète صلى الله عليه وسلم il a détaillé comment cette زكاة doit être sortie قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير Sa' min tamr. Ou sa'an min sha'ir. At-tamr, c'est quoi? C'est les dates. Ou sha'ir, c'est quoi? C'est l'orge. Tu vois l'orge? Ala ou sha'ir. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que zakat al-fitr doit sortir, on doit sortir zakat al-fitr, sa'an min tamr. As-sa' c'est quoi? Ça veut dire quoi sa'? As-sa' c'est 4 amdad. 4 amdad. C'est quoi l'amdad? C'est une poignée de deux mains. Tu prends ta main droite, ta main gauche, tu fais comme ça. Comme si tu faisais deux. Ça, ala, ça s'appelle. Mout, ça s'appelle mout. Si tu fais ça 4 fois, ça s'appelle arba amdat. Ça s'appelle un sa'. Tu prends la nourriture, maintenant tu prends des dates. 1, 2, 3, 4. Cette quantité, on va l'appeler sa'. Donc sa', c'est égal à 4 amdat. 4 amdat. Al-mout, c'est le singulier. Ou al-amdat, c'est son pluriel. Na'am. Donc sa', c'est l'équivalent de 4 amdat. Si tu veux, tu mets 4 poignées de deux mains. T'écris Kadar pour que tu te rappelles. C'est quoi le mout? Le mout, c'est une poignée. Le mout, c'est une poignée en mettant la main droite et la main gauche. As-sa', c'est 4 amdad, c'est-à-dire 4 poignées. Avec les deux mains, bien sûr. Tayyib. Donc, sa'an min tamr. Soit tu le sors en tamr. Ou sa'an min sha'ir. Soit tu le sors en orge. L'orge, c'est le sha'ir. Donc, dans ce hadith de Ibn Umar, il nous cite deux sortes. Soit les dates, soit le sha'ir. Et il y a un autre hadith qui est venu, un Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, où il nous dit, on va lire le hadith, نعم, قال, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال, كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. Donc Abi Sa'id al-Khudri ici nous dit qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, il donnait zakat al-fitr صاع من طعام, c'est-à-dire un صاع de طعام. Ta'am, c'est la nourriture, c'est vaste. Après, il nous explique, il détaille plus. Il dit, Aw sa'an min tamr. Ça, on l'a déjà vu dans notre hadith. Aw sa'an min sha'ir. Aw sa'an min zabib. Zabib, c'est le raisin sec. Aw sa'an min aqit. Al-aqit, c'est quoi? C'est du lait en poudre. Al-laban al-mujaffaf. Al-laban al-mujaffaf. Donc, si on fait la fusion de ces deux hadiths, on va voir que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait zakat al-fitr de 5 façons. Première façon, en tamr. Deuxième façon, en sha'ir. Hein, il sortait zakat al-fitr soit en tamr, soit en sha'ir, soit en ta'am, c'est-à-dire nourriture, c'est vaste, soit en zabib, c'est-à-dire raisin sec, soit en aqit. Aqit, c'est le lait en poudre. Hein, laban al-mujaffaf, al-halib al-mujaffaf. 5 façons. Voilà qu'on a question. Est-ce que ça veut dire que nahnu, c'est obligatoire pour nous, à notre époque, de sortir de ces 5 façons? Ou bien, non, c'est vaste. Ou bien, on a le droit de sortir autre façon. Maintenant, on a le droit de sortir en riz, on a le droit de sortir en farine, on a le droit de sortir en pâte, on a le droit de donner en fruits, en légumes. Ou bien, ces races, on doit sortir de la façon que le prophète l'a sorti. يعني في هذه المسألة يدي كلام دي علماء كيسون مفيدة الإمام ابن القيم يدي عن كلام جيد يدي كسي سانك شوز لا كنا سيتي التمر وكذلك الشعير لورج والزبيب لغيزان سيك والأقط لليان بودر وهكذا سي سانك شوز لا سيتي لي شوز كو على الإبوك دي بروفيسور صلى الله عليه وسلم سيتي لي شوز كي مانجي سيتي المدينة سيتي سا كي مانجي في المدينة سي سانك شوز C'était les aliments qu'ils mangeaient fil Medina. Voilà qu'à notre époque, ça a changé. Maintenant, t'as le riz, t'as des pâtes, t'as plein de choses que... T'as plein de nouvelles choses. Donc l'imam Al-Qayyim me dit que c'est pas obligatoire pour l'insan qui sort ces cinq choses. Et ça, c'est ça le rajih dans cette mis'ala. Et c'est l'avis d'Ibn Al-Qayyim, ou Kadalika, c'est l'avis de Cheikh l'Islam avant lui, ou Kadalika, c'est l'avis des muhaqqiqin de notre époque, comme Cheikh Al-Uthaymin, ou Kadalika, Cheikh Al-Fawzan, ou Kadalika, Cheikh Al-Baz, ou beaucoup d'autres ulama, l'Ajna Daima. Donc, Anta, tu peux sortir ce que tu vois qui est bien pour les pauvres de ton pays. Amatalan, ici, ça va être le riz, les pâtes, la farine. Dans des autres pays, ça se peut que ça va changer. L'essentiel, c'est que tu sors la nourriture que vous mangez dans votre pays. Ça peut être, comme dit Ibn Qayyim dans Il al-Muqirin, ça peut être même de la viande, même du poisson, même des fruits, les figues. Fanta, tu regardes les pauvres, qu'est-ce qu'ils mangent dans ton pays, et tu le donnes. Et yakfi, inshallah, c'est sahih. Non, c'est sahih. Donc on continue dans le hadith. Donc le khulasa dans cette mas'ala, c'est kout al balad. Ça veut dire quoi kout al balad? C'est à dire la chose que dans ton pays il mange. Donc dans sa première phrase du hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est obligatoire de donner zakat al fitr. Deuxième phrase du hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre c'est quoi, comment on doit être sorti zakat al fitr. Il nous dit que ça doit être un sa. Après, il nous dit c'est quoi la chose qui doit être sortie. Wahakada. Maintenant, Al-Nabi sallallahu alayhi il nous montre dans la troisième phrase de ce hadith pour qui Zakat al-Fitr est obligatoire. L'iman. Qal, Nabi sallallahu alayhi wa al-abd wal-hurr wal-dakar wal-untha wal-sagir wal-kabir min al-muslimin. Al-abd, l'esclave. C'est obligatoire de sortir Zakat al-Fitr pour l'esclave. Si par exemple quelqu'un a un esclave chez lui, c'est obligé qu'il donne Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr pour l'esclave. Naam, les esclaves, ça n'existe plus maintenant. Lakin, au temps du Prophète, ça existait. Et l'esclavage, au temps du Prophète, ça existait. Lakin, l'esclavage qu'il y avait au temps du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le même esclavage qu'ils avaient les kuffars, les Anglais ou là, les Français. Là, les musulmans, les esclaves qui étaient chez les musulmans, ils avaient des droits. Ils ne leur faisaient pas de bol, d'injustice. Hakada. Amma les kuffars, ils faisaient de l'injustice. Comment ça se passait l'esclavage au temps du Prophète sallam? Il y avait des batailles. Quand les musulmans gagnaient, ils prenaient les prisonniers et ça devenait des esclaves. Il s'est venu plein de hadiths sur le mérite de celui qui sort, qui délivre un esclave, fils abilillah. L'esclavage qu'il y avait au temps du Prophète sallam, c'était pas comme l'esclavage qu'il y avait chez les kuffars. Les kuffars, c'était des zalimin, ils leur faisaient des dhulms. Ils les frappaient, ils les violaient, wal'iyadu billah. Amma les musulmans, la abadan. Hatta c'est venu hadith comme quoi celui qui frappe son esclave, il doit le libérer. Comme c'est venu dans le hadith, une fois un homme il a frappé son esclave, après Nabi sallam, il lui a dit man ana, il lui a dit anta rasulallah, après Nabi sallam il a dit ayna Allah, il a dit fis sama, après Nabi sallam il a dit délivre-la, fa innaha mu'mina. Ihtiqa fa innaha mu'mina. Naam. Donc alors, ça prouve qu'ils étaient al-muslimin, ils étaient bons avec leur esclave. Contrairement au kuffar. Donc, Zakat al-Fitr, c'est obligatoire, au temps du Prophète, pour celui qui avait un esclave. Maintenant, ça n'existe plus d'esclaves. Là, j'ai écouté une fatwa de Cheikh Ibn Baz, j'ai écouté une cassette de Cheikh Ibn Baz, et dans la cassette, il disait qu'en Mauritanie, il existe encore des esclaves. La fatwa, elle date de 15 ans. Ça veut dire, est-ce qu'à notre époque, ça existe les esclaves? Allahu alam. Cheikh Ibn Baz dit la cassette, la fatwa qu'il avait fait, elle date il y a 15 ans. Il disait que les esclaves, ça existait en Mauritanie. Hein, les esclaves, à son époque, ça existait en Mauritanie. Là, à notre époque, Allahu alam, ma'adhan. Moi, j'avais questionné des frères qui étaient partis en Mauritanie, par de l'Ikhwa, et ils me disaient que c'était rare. C'était vraiment rare, les esclaves, avant Mauritanie. Taïd. Donc, celui qui a un esclave, il devait sortir Zakat al-Fitr. Celui qui avait un esclave, autant de Prophète, il devait sortir Zakat al-Fitr pour lui. Al-Abd. Wal-Hur. Al-Hur, c'est l'homme libre. Une personne libre. Wal-Dakar, c'est-à-dire un homme. Wal-Untha, une femme. Wal-Sagir et Wal-Kabir. Wal-Sagir, Wal-Kabir. Pour l'enfant, le petit, qu'il soit un enfant ou là que ce soit un bébé. Même si l'enfant il est né la semaine dernière, tu dois sortir Zakat al-Fitr pour lui. والكبير, une personne âgée, hein, كبير. من المسلمين. Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ramène un taqid. C'est pas pour tout le monde. C'est من المسلمين. Parce que ça se peut, حتى à leur époque, par exemple, dans la famille, il y avait certains de la famille qui n'étaient pas musulmans. Donc pour eux, ils ne devaient pas sortir zakat, pour ceux qui sont pas, qui n'étaient pas musulmans. Voilà, qu'une حتى à notre époque, مثلاً, si dans une famille, ils sont, مثلاً, t'as des enfants qui ne sont pas musulmans. مثلاً, deux enfants, ils sont chrétiens. Voilà, يعذب الله, ils sont convertis au christianisme. Est-ce que le père de famille doit sortir pour ses enfants? Là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des musulmans. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, min al-muslimin. Et il y a un hadith qui est venu, min al-nasara wal-yahoud, lakin il est daif. Hadith est daif. En sahih, c'est comme il l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Min al-muslimin. Kadhalik, si une personne, maintenant, elle est mariée avec une chrétienne, min ahlil kitab. Est-ce qu'il doit sortir zakat pour sa femme? Là, il ne doit pas sortir zakat pour sa femme. Wa hakana. Donc je répète. Al al-abd, pour l'esclave, ça fait un. Wal-hur, deux. Wal-daka, ça fait trois. Wal-untha, ça fait 4. Wassarir, ça fait 5. Walkabir, ça fait 6. Donc 6 sortes de personnes qui doivent sortir zakat. Min al-muslim, à condition que c'est des musulmans. Wa huna mas'ala, concernant sarir. Est-ce que si, مثلا, une femme, elle est enceinte, dans son ventre, elle a un bébé, est-ce qu'elle doit sortir zakat pour son bébé? Cette mas'ala, l'ulama yadkuruna, ça s'appelle le janin. Janin, en arabe il l'appelle Janin, le bébé qui est dans le ventre. Sahih, c'est que c'est pas wajib. Si une femme elle est enceinte, مثلا, que ce soit un enfant ou elle a deux enfants dans son ventre, c'est pas obligatoire pour elle de sortir zakat al-fitr pour cet enfant. Walakin, c'est mustahab. Hein, c'est venu à Uthman, radiallahu ta'ala anhu. Donc, si une personne, sa femme elle est enceinte, il peut sortir zakat al-fitr. La basse, c'est mustahab. Walakin, c'est pas wajib. C'est-à-dire que s'il le fait, il sort zakat al-fitr, c'est, inshallah yu'jar, il sera récompensé. Et s'il ne sort pas, il ne sera pas châtié, inshallah, il ne sera pas puni pour cette chose. Et certains ulama, comme Ibn Hazm al-Dahiri, il dit que c'est wajib. Ibn Hazm al-Dahiri, il dit que c'est wajib. Ah non, c'est pas sahih, c'est pas wajib, c'est mustahab. Naam. Kadhalik, c'est une riwaya an Imam Ahmed, comme quoi c'est wajib. Wa'ala, fihi nazar. Liannahu mustahab. Et les sahaba, si ça serait wajib, ils nous l'auront dit. Lakin, c'est pas venu. C'est venu inama an Uthman, hatta al-Athaq. Certains ulama takallamu fi sanad, lakin c'est venu an ba'd sahaba. Naam. Tayyib. Donc, al-khulasa, c'est que si une personne, mathalan, ils sont 10 dans la famille, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir combien de mud? Il doit sortir 40. 40 amdad. C'est-à-dire 10 sa'a. Wa hakada, il le donne au fuqara. Est-ce qu'il a le droit de mélanger? Mathalan, il va sortir 5 sa'a de riz, 5 sa'a de mathalan de farine. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, la masse. Il peut mélanger. Wa hakada, il le donne au masakin. Il le donne au masakin. Et vous savez, zakat, t'as 8 sortes. Tu peux sortir zakat al-fitr à 8 sortes de personnes. Comme c'est venu dans le surat al-tawbah. Non, le surat al-tawbah. Voilà qu'une zakat al-fitr, non. Zakat al-fitr, c'est khas pour le masakin. Voilà, c'est le rajih dans cette question. Comme dit le Cheikh al-Albani. Le rajih, c'est que zakat al-fitr, c'est khas pour le masakin. Comme on a vu dans le hadith, Ibn Abbas, tu'ma tali masakin. Non. Amma zakat al-mal, tu peux sortir, مثلا, al-amilin alayha, ou kadalik ceux qui font jihad, ou kadalik ceux qui sont des douyoun. Amma zakat al-fitr, là, c'est khas, mais là, pour les fuqara. Thumma qala Nabi sallam, ou, يعني, yahki ibn Umar, an Nabi sallam, wa amara biha an tu'adda qabla khuruj al-nas ila al-salah. Thumma ba'da dhalik, dans la dernière phrase du hadith, il nous dit que le prophète sallam, il a ordonné que cette zakat, elle doit être sortie qabla khuruj an-nas ila salah, avant que les gens sortent pour faire salat, c'est-à-dire salat al-Eid. Hein? Ça veut dire zakat al-fitr doit être sortie avant salat al-Eid. Naam. Et هذه العباده, c'est une ibada qu'on appelle muqatta, c'est-à-dire qu'elle a un waqt mu'ayyan, muqatta. Ibadatun muqatta. Et certaines ibadat ils sont muqatta, certaines ibadat ils n'ont pas de waqt mu'ayyan. لكن هذه عبادة زكاة الفطر على وقت معين, un temps déterminé. Son temps c'est quoi? C'est إما deux jours avant l'Eid. هذا c'est venu عن بعض الصحابة, comme c'est venu dans صحيح البخاري. Tu peux sortir مثلا زكاة الفطر deux jours avant l'Eid. مثلا l'Eid c'est demain. عفوا, c'est après demain. Tu peux sortir aujourd'hui. Là bas, tu sors زكاة الفطر. Comme ça, مثلا, t'es sûr de pas oublier, inshallah. Tu peux sortir 2 jours avant, tu peux sortir 1 jour avant. Et si tu veux, tu sors le jour même, mais il faut que ça soit avant l'Aïd. Et ça, c'est pour faire attention. Parce que l'insan, des fois, par exemple, 1 heure avant l'Aïd, il ne trouve pas de masakin. Comment tu fais? C'est pour ça que l'insan, il doit s'organiser. Et hadith, l'ibada, c'est une ibada muqqata. Mettre le salat. Matalan salat. Salat al-fajr. Salat al-dhuhr. Salat al-asr. C'est une ibada muqqata. Elle a un temps déterminé. Elle a un temps. Ça veut dire que si tu fais salat, une salat avant l'heure, c'est pas accepté. Et si tu fais une salat après l'heure, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que c'est une ibada muqqata. Matalan al-hajj. C'est une ibada muqqata. Tu peux pas faire le hajj quand tu veux dans l'année. Là. C'est un temps, un mois précis et à des jours précis. Et dans un endroit précis. Naam. Matalan Ramadan. Ramadan, est-ce que quelqu'un peut faire siyam, matalan, fichar al-muharram? Ou là, il va faire siyam en hiver. Il dit Ramadan ce mois-ci, c'est dur. Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est dur. J'ai pas envie de le faire. Mais c'est pas grave, je vais le rattraper en hiver. Parce qu'en hiver, les journées sont courtes. Comme ça sera plus facile pour moi. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Là, pourquoi? Parce que Ramadan, c'est une ibada muqqata. Elle a un temps déterminé. Faire zakat al-fitr, c'est la même chose. Tu ne peux pas sortir zakat al-fitr quand tu veux. Si une personne a sorti zakat al-fitr au début de Ramadan, ah, ma tukbal. Comme il dit Cheikh al-Bataymin, fi Sharh al-Mumti'. C'est pas accepté. Pourquoi? Parce que le Nabi Sallam nous a appris, et Sahaba, ils nous ont montré aussi que comme quoi zakat al-fitr doit être donné à un temps déterminé. Soit, ça commence quand son temps? 2 jours avant l'Aïd. 2 jours avant l'Aïd. Et quand est-ce que ça se finit son temps? C'est après Salat al-Aïd. Quand Salat Khuruj al-Nas, c'est pour ça que Nabi Sallam dit, Qabla Khuruj al-Nas, ilayha. Qabla Khuruj al-Nas, ila Salat. C'est-à-dire Salat al-Aïd. Si tu le donnes après, ta zakat, est-ce qu'elle a accepté ou pas? On va lire le hadith. Donc, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Qal, Ibn Abbas, c'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Akhraja Abu Daoud ou Ibn Majah, Hassan al-Albani. Qal, man addaha. Man addaha. قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. C'est-à-dire celui qui donne زكاة الفطر avant الصلاة فهي زكاة مقبولة. Cette زكاة elle accepte. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات. Ça veut dire يفهم من مفهوم الحديث que cette صدقة elle n'est pas acceptée comme étant une صدقة de زكاة الفطر. لكن c'est une صدقة عامة. لكن t'as pas donné زكاة الفطر. كما يقول بعض الشراح لهذا الحديث. Donc t'as pas donné زكاة الفطر. فالإنسان ينتبه. Et là tu vois, ça c'est un dalil qui montre que الوقت في الإسلام c'est très très important. الوقت مهم جدا. Donc l'insan il s'organise. Il donne زكاة الفطر. Le meilleur c'est que si vraiment t'as peur de l'oublier, tu la donnes maintenant. مثلا aujourd'hui. Tu la sors aujourd'hui, comme ça inshallah t'es tranquille. Ça se peut que tu toucheras, ça se peut que tu oublies, ça se peut plein de choses. Enfin tu la donnes comme ça, t'es et on était sûr de l'avoir donné. طيب. Donc le hadith قال, donc le dernier hadith, la dernière phrase du hadith, il nous donne quand est-ce que la zakat zakat al-fitr doit être sortie. نعم. فالان انتهينا من الحديث. لكن الان وضحت certaines مسائل concernant ce hadith. On va lire certaines fatwa des ulama. Est-ce qu'une personne a pu donner, c'est une fatwa qui a été posée, ils ont questionné l'ajnat da'im. Est-ce qu'une personne a pu donner zakat al-fitr à une personne qui fume, une personne qui prend le qat? Est-ce qu'on peut donner de l'argent à une personne qui est pauvre, mais qui fume, qui font des ma'asi? Est-ce que ça c'est permis ou là c'est pas permis? L'ajnat da'im ajabat. قالت اللجنة الدائمة لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة لأنهم بذلك لا يخرجون عن الإسلام وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات. Donc la légende d'Aïma, ils disent que tu peux donner zakat al-fitr à ces personnes-là qui fument ou qui font des ma'asi. Pourquoi? Parce que c'est des mu'minin. Même s'ils font des péchés, nous, on n'est pas comme les khawarij qui font sortir les gens de l'islam comme ça. Hein, parce qu'ils ont fait des kaba'ir. Naam, de fumer c'est muharram. De prendre le qat, qui est une forme de drogue, c'est muharram. Voilà qu'une si il est mesquin, donne-lui. Donne-lui. Là-bas, c'est sahih. Parce que le Nabi Sassan nous a ordonné de donner aux musulmans qui sont fuqara. Et ça se peut que certains musulmans ils font des péchés. Lakin, zakat al sahih. C'est une fatwa de l'ajna daima dans le mujallad de Tasya. Tayyib. Aussi une question, est-ce qu'il y a juste de sortir zakat al-fitr? Maintenant, tu donnes zakat al-fitr au kuffar. Wahed, c'est un musulman. Là, c'est un kafir, afan, tu lui donnes zakat al-fitr. Hada, yajouz ou lama yajouz? Les ulama yaqouloun la yajouz. Limada? Parce que la hikmah de zakat al-fitr, aussi parmi les hikmah, pendant yom al-eid, eh ben, les fuqara des musulmans, ils se sentent bien. Fanta yom al-eid, mashallah, c'est la fête, wahakada. Certains musulmans, ils sont pauvres, ils ont rien. Fanta, tu lui donnes sadaqa pour que yom al-eid, hatta pour lui, il est content, wahakada. Donc c'est pour les musulmans. Et كذلك من المسائل qui cite les ulama dans le Kutub al-Fatawa, est-ce que tu as le droit, مثلاً, tu es dans un pays où il n'y a pas beaucoup de pauvres. Tu envoies cette sadaqa dans un autre pays. مثلاً, tu l'envoies au bled. Là, مثلاً, tu l'envoies dans un pays où les gens ils sont pauvres là-bas. هذا يجوز. Hein, يجوز. أفتى بذلك العثيمين وكذلك الفوزان وغيرهما من أهل العلم. Donc il y a juste que tu envoies cette sadaqa dans un pays pauvre. Et ماذا كذلك من المسائل المهمة. Et là, c'est une masala très mohima. Ta'rifoun, min al-ma'rouf, que dans plein de pays, malheureusement, ils sortent zakat al-fitr en argent. Mathalan, ils vont dire zakat al-fitr, on va l'estimer à 5 euros, mathalan. Ils vont sortir 5 euros. S'ils sont 10 dans la famille, ils vont sortir combien? 50 euros. Wa hakala. Hadihi masala, dakara al-ulama kathira. Beaucoup de ulama, ils ont parlé sur cette masala. C'est-à-dire le fait de sortir zakat al-fitr en argent. Min nuqud. En argent. Nous, on vient de citer, on vient de lire un hadith comme quoi à l'époque du Prophète, il ne la sortait pas en argent. Sachant qu'à l'époque du Prophète, ils avaient besoin de l'argent. Surtout à leur époque. C'était à l'époque où il y avait des conquêtes, où ils faisaient des batailles, ils avaient besoin d'argent plus que nous, on en a besoin à notre époque. Hein? Et pourtant, le Prophète, il a ordonné à Sahaba, c'est-à-dire les musulmans de son époque, de sortir zakat al-fitr en nourriture. Et si, comme certains le disent, walayad billah, certains vont dire oui, mais à notre époque, sortir en argent c'est plus, c'est mieux que de sortir en nourriture. Subhanallah. Hada kalam khatir, jiddan. Kalam khatir. Comment ça? À ton époque, c'est mieux de sortir en argent qu'en nourriture? Pourquoi le Prophète nous a dit de sortir en nourriture alors? Fahada ghalat. Tu dois sortir zakat al-fitr en nourriture. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sorti en nourriture. Et sabab, hadith mas'ala, le problème de, que certains ils vont dire oui, tu peux sortir en argent, c'est que c'est venu à Ba'd al-Fuqaha, oui, qu'ils ont dit que c'était permis de sortir zakat al-fitr en argent. Hein, c'est venu. Voilà qu'in tout leur hadil là qu'ils ont ramené à Wala al-Fuqaha, mais al-Ahnaf, c'est mabni à la da'if. C'est da'if. À notre époque, yani afwan, les ulama qui sont venus après, ils ont vu que les hadiths qui se sont, avec lesquels ils se sont justifiés ces ulama, ils sont da'if. Donc si, le dalil est daif, la mas'ala al-mustakhraja min hadha al-hadith elle est daif. Donc le fait de sortir zakat al-fitr en argent, c'est pas sahih. Et on va citer des kalam. Et beaucoup d'ulama, ils ont interdit de sortir zakat. L'imam Ahmed, harramaha, il a dit que c'est la yajouz de sortir en zakat, en fitr, en argent. L'imam Malik, il a dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr en argent. L'imam Shafi'i dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr en argent. Léanna, tu dois la sortir en nourriture. Al-Sheikh, Mada Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr. Kama fait le majmou' al-fatawa. L'imam ibn al-Qayyim dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr en argent. Tu dois sortir en nourriture. Kama dhakara dhalika fi inan al-muqi'in. Kadhalika, l'imam ibn Qudama fi al-Mughni dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr. Kadhalika, Sheikh Mukhbel, il a une fatwa dit la yajouz, tu sors zakat al-fitr en argent. Kama dhakara dhalika fi ba'd fatawa. وكذلك الشيخ العثيمين دي لا يجوز تسور زكاة الفطر en argent بل tu dois sortir en nourriture كما ذكر ذلك في المجموع الفتاوى حقه كذلك الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي دي لا يجوز بل il dit ça suffit pas, c'est à dire que si une personne a dit donne زكاة الفطر en argent bah il dit c'est à dire que c'est pas valable, c'est à dire que c'est comme si elle n'avait pas sorti زكاة الفطر. هذا كلام c'est خطير ce كلام يعني je veux dire ce كلام il est مخيف. C'est-à-dire que les gens ils vont sortir zakat al-fitr en argent, ils croient bien faire, mais ça, cette sadaqa qu'ils ont fait n'est pas valable. Enfin, c'est pour ça que l'insan toujours est tamassak bil adil. Et plein de ulama. Hatta, il y a un livre, j'ai vu à la maktaba, il a ramené plus de 30 paroles de ulama qui interdisent de sortir zakat al-fitr en argent. Et hada huwa rajih fi hadhihi al-mas'ala. Bila shak wa la rayb. Hada huwa rajih fi hadhihi al-mas'ala. Et kadhalik, les sahaba qui sont venus après, au temps de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, pourquoi il a pardonné les musulmans de sortir Zakat al-Fitr en argent? Pourquoi? Sachant qu'il y avait de l'argent à leur époque. Ça existait l'argent. Pourquoi Omar ibn Khattab, quand il est venu après Abu Bakr radiallahu anhuma, il n'a pas ordonné les musulmans de sortir en Zakat al-Fitr en argent? Pourquoi? Pourquoi Uthman radiallahu ta'ala anhu, il n'a pas demandé aux musulmans, il n'a pas ordonné aux musulmans de sortir Zakat al-Fitr en argent? Limada? Pourquoi après lui Ali? وهذا كذا لي tous les علماء après eux, l'imam Malik, l'imam Ahmed, Shafi'i, jamais un il a dit tu dois sortir en argent. Ben tous ils étaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait tu sors en nourriture. وهكذا. Sachant qu'à leur époque à leur époque il y avait de l'argent, mais aucun d'entre eux il a dit zakat al fitr c'est obligé, tu dois sortir en argent comme ils le disent certains. Tal muslim yantabe, tu fais très très attention au shubuha tabi. Les annabas d'Annas, quand ils viennent, ils disent non, tu peux sortir en argent parce que les fuqara, ils ont besoin de l'argent. Là, les fuqara, ils ont besoin de nourriture. Naam. Et le faqir, si vraiment il a besoin d'argent, il l'abasse. La nourriture que tu lui donnes, il la vend. Là-bas, ça. Parce que ça lui appartient après. Toi, tu dois pas trop réfléchir. Parce que certains musulmans, ils pensent que non, mais c'est mieux. Non, jamais une chose a pu être mieux. Une chose qui était à notre époque a pu être mieux que le temps du prophète sallam. Yani, ce que je veux dire, c'est que si ça serait mieux, et ben le prophète leur aurait ordonné aux sahaba de le faire. Et même à notre époque, c'est pas mieux. Qui t'a dit que c'était mieux? Donne-leur nos nourritures. Voilà. Si une personne, maintenant, dans son pays, et ben, elle ne peut pas donner nos nourritures. Ou là, maintenant, je ne sais pas, elle dit j'ai honte de donner aux pauvres leur nourriture. Certains, ils ont cette pensée. Ils vont dire moi, j'ai la honte de donner aux pauvres, je donne en nourriture. Fantasen. T'envoies dans un pays, maintenant, t'envoies quelqu'un que tu connais dans un autre pays, tu lui dis voilà. Tiens, je t'envoie de l'argent, avec cet argent, achète la nourriture et donne-le aux pauvres. Voilà, on t'a dit le mushkila. Hatta, t'es tranquille et t'es sûr que ta sadaqa est acceptée. Voilà. Et, naam, adon, bihad al-qadr kifaya, wa naqif ila huna, subhanakallah bihamdik, wa shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wallahu musta'an.